Bien-aimés, voyez, nous suivons Jésus qui monte sur la montagne, comme d'habitude. Il a l'habitude de monter sur cette montagne pour faire des grandes choses. Il s'approche de Dieu son Père en montant sur la montagne, en montant sur les hauteurs. Et c'est ce que nous faisons à chaque fois que nous venons dans cette église. Nous approchons de Dieu comme si cette église était la montagne de notre village et comme la montagne de notre cœur. Et nous sommes aujourd'hui sur cette montagne et nous sommes devant Jésus qui va faire quelque chose d'absolument fondamental dans sa mission. Il va instituer les 12. Alors, il les institue parce qu'il institue ces 12 qui vont être ses successeurs, hein, d'une certaine manière, qui vont recevoir de lui ses dons pour les répandre sur le monde. Alors, vous voyez, frères et sœurs, je ne sais pas combien nous sommes aujourd'hui, mais peut-être plus une douzaine. Hein. Alors, c'est exactement comme ce jour où Jésus a décidé de choisir 12. Eh bien, c'est vous les 12 aujourd'hui, c'est nous qui sommes ici. Nous sommes les 12. Alors, les 12, ce n'est pas pour rien qu'il y en a 12. C'est les 12 tribus d'Israël, c'est-à-dire tout le peuple de Dieu. C'est un nouveau peuple de Dieu que Dieu fait. Donc, quand il y a les 12, ce n'est pas juste 12 hommes, c'est tout le peuple de Dieu qui est derrière et que Jésus appelle à travers eux. Donc, c'est bien vous. C'est bien nous qui sommes ici ce matin. Nous sommes tous appelés par Jésus. Et vous avez entendu ce que Jésus fait. Il appela ceux qu'il voulait. Donc, il vous veut, il nous veut, puisqu'il nous appelle. Il vint auprès de lui. Il en institua 12 pour qu'il soit avec lui. Alors ça, c'est très important que nous comprenions ça. Vous voyez, quand Dieu nous appelle... Il nous appelle pour nous confier une mission d'abord, mais avant tout, il veut que nous soyons avec lui. Alors là, c'est la clé de la question qui nous taraude ce matin, de l'unité. Si nous voulons être unis, si nous voulons être un, comme Dieu veut que nous soyons un dans l'Église, s'il veut que nous n'ayons Si nous voulons n'avoir qu'un seul cœur et qu'une seule âme, voilà la clé. Il faut que nous soyons avec Jésus. Jésus dira à ses disciples, alors qu'il y a un homme qui chasse les démons en son nom, qui ne fait pas partie du groupe, justement, il dira... Les disciples viennent le voir en lui disant « Mais qu'est-ce qu'on doit faire ? Il chasse les démons en ton nom, il ne fait pas partie de notre groupe. » Jésus leur dit « Laissez-le faire. Celui qui est avec moi ne peut pas être contre moi. Celui qui agit en mon nom ne peut pas être contre moi. » Alors voyez, c'est ça que nous devons chercher. C'est à être avec Jésus, du côté de Jésus. Et lorsque nous sentons les divisions qui peuvent poindre dans nos communautés. Et lorsque nous voyons les divisions qu'il y a dans l'Église de manière beaucoup plus large, avec nos frères et sœurs qui sont parfois séparés, qui sont issus d'un schisme, vous voyez les divisions qu'il y a entre l'Orient et l'Occident, avec les protestants, avec les orthodoxes, et que sais-je, toutes les familles chrétiennes, entre guillemets, eh bien, nous devons chercher avant tout à tourner notre regard, notre cœur vers Jésus. Et voilà pourquoi il est très important, fondamental, que dans toute paroisse, nous ayons des temps d'adoration communautaire. Le cœur, le regard, tout entier, tourné vers lui. On peut ne pas être d'accord les uns avec les autres, sur certaines manières de faire, sur certaines, peut-être, points de doctrine qui ne sont pas encore bien définis. On n'est pas forcément toujours d'accord. On peut ne pas être d'accord avec son curé, trouver qu'il fait trop comme ci ou trop comme ça. Qu'importe. Ce que nous devons chercher tous, c'est à être avec Jésus. À faire sa volonté à lui. Avoir le cœur accroché à lui. À l'aimer lui, à chercher à le faire connaître lui. Et à partir de ce moment où nous cherchons à être avec Jésus, vraiment, où notre cœur tous ensemble, nos cœurs tous ensemble se tournent vers lui, nous voyons les divisions s'éteindre. Nous voyons voyez, les problèmes de désaccord passés au second, au troisième, au quatrième et au cinquième plan, et finalement disparaître. Puisqu'en réalité, nous voyons que c'est Jésus qui nous unit. Nous voyons que le plus important, finalement, c'est que lorsque nous allons communier tous ensemble, les uns après les autres, nous nous approchons du Seigneur, il vient en nous, il nous unit à lui, et tout est là. Il n'y a rien besoin d'autre. Et c'est comme ça que l'Évangile peut progresser dans notre cœur, dans notre communauté et autour de nous dans le monde. C'est comme ça que le feu de l'amour pour les âmes peut grandir en nous, puisque nous sommes avec Jésus et que Jésus allume son feu d'amour dans notre âme. Alors si parfois nous sentons comme, vous voyez, des tensions en nous, hein, des désaccords, des « Ah mais qu'est-ce qu'il fait? Comment il fait? Pourquoi il fait ça ?» Alors peut-être qu'il ou elle a tort, peut-être que le curé a tort, peut-être qu'il fait les choses de travers, peut-être que ce n'est pas comme ça qu'il faudrait faire. Mais prions pour nous-mêmes, nous concentrer sur la personne qu'est Jésus, qui est le seul absolu que nous devons suivre, et pour que le curé ou la voisine, la sœur, le frère, se tourne lui aussi vers le Seigneur. Si nous faisons ça, frères et sœurs, nous sommes à l'abri de tout, de toutes les divisions. Et pour que ça puisse se produire, eh bien, nous devons tenir la main de la Vierge Marie. C'est elle qui va nous apprendre, voyez, c'est elle qui va nous apprendre, qui va assoupir notre cœur, qui va nous apprendre à nous tourner vers Jésus, qui va nous apprendre à aimer Jésus au fond de notre âme. Alors, prions notre chapelet, adorons Jésus, venons à la messe dans le seul et unique désir de nous unir, de communier à Jésus pour pouvoir communier ensemble. Et alors nous serons un, comme le Seigneur est un, Père, Fils et Saint-Esprit, et nous pourrons rayonner de l'amour de Dieu autour de nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen.